Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de Mi-Science Impossible. Notre mission, vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Qui sommes-nous ? Une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC totalement animée par les sciences. Notre école, l'ENSIC, vous la connaissez. Présente à Nancy depuis 1887, elle se situe près de la pépinière. Son credo, c'est de transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe. Chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Alors, prête à partager un moment de science en notre compagnie ? Aujourd'hui est notre deuxième émission, et cette émission vous sera présentée par trois chroniqueurs. Thomas. Bonjour à vous. David. Bonjour. Et Léa. Bonjour. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de pour désinfecter sa maison, faut-il plus privilégier l'eau de Javel ou le vinaigre blanc ? Donc tout le monde connaît l'eau de Javel, oui l'eau de Javel qui nous permet de laver le sol, désinfecter les surfaces de notre maison. Mais est-ce que c'est le meilleur produit pour nettoyer notre logement ? Si je vous dis eau de Javel et vinaigre blanc, lequel vous parle le plus et lequel utilisez-vous ? Moi personnellement, j'utilise plus la Javel, parce qu'en plus le vinaigre, je trouve que ça pue un peu, alors je suis pas trop fan. Moi c'est pareil, je prends surtout la Javel parce que c'est ce que prennent mes parents. D'accord, donc vous n'utilisez pas forcément le vinaigre blanc. Donc avant tout, je pense qu'un petit point culture peut être intéressant. Qu'en pensez-vous ? Oui, vas-y. Donc l'eau de Javel, elle a été découverte au XVIIIe siècle par un chimiste français, Monsieur Berthollet, qui a essayé de reproduire artificiellement ce que faisait la nature dans son laboratoire, à partir de solutions chlorées. C'est comme ça qu'est née la liqueur de Javel, plus connue aujourd'hui sous le nom d'eau de Javel. Par titre d'information, si vous vous baladez vers Paris et que vous voyez un petit village nommé Javel, c'est ici qu'a eu lieu la première production industrielle de ce produit. Ensuite, le vinaigre, c'est une solution à faible teneur d'acide acétique, une solution chimique connue depuis très longtemps, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Donc aujourd'hui, de nombreuses personnes cherchent à se rapprocher le plus possible de produits efficaces et qui respectent la nature. Comme nous le savons enfin, je l'espère, l'eau de Javel et le vinaigre sont deux produits détachants et désinfectants. Les deux ont les mêmes propriétés, cependant, pour enlever le maximum de bactéries, l'eau de Javel est plus efficace. Regardons d'un point de vue économique et environnemental les différences entre ces deux produits. Déjà, avez-vous une idée sur lequel de ces deux produits coûte le plus cher dans un supermarché ? Moi, j'aurais dit la Javel. Moi, pareil. Javel aussi. Ouais, moi aussi. Eh bien, contrairement à ce que l'on pense, c'est le vinaigre qui est un peu plus cher. Donc, 36 centimes pour un litre de vinaigre et 30 centimes pour l'eau de Javel. Cependant, la production, pour l'eau de Javel, elle est vachement plus importante. Donc, comment sont produites ces deux solutions ? Le vinaigre blanc, il est fabriqué à partir de la fermentation du betterave. C'est ce type de sucre qui permet d'avoir le meilleur rendement au prix le plus compétitif, car on en produit énormément. Ce sucre, il est transformé ensuite en alcool, puis modifié pour obtenir l'acide acétique. Ensuite, on a une autre technique qui fait intervenir deux produits chimiques, donc le méthanol et le monoxyde de carbone, afin de former la même molécule, l'acide acétique. Concernant l'eau de Javel, il existe là aussi plusieurs techniques de fabrication. Mais parlons plus de celle qui est la plus importante, celle dans le secteur industriel. Pour éviter de parler chinois, on va imaginer le procédé de manière simple. Prenons un bac avec deux tuyaux, un en haut et un en bas. Le premier sera alimenté par une solution nommée soude, qui est un produit chimique, et le deuxième sera alimenté par du chlore. Les deux produits vont réagir ensemble et produire de l'eau de Javel. Dans le secteur industriel, on a de l'eau de Javel plus ou moins concentrée. C'est comme un verre d'eau avec de la grenadine. Plus on met de sirop, plus l'eau sera concentrée. Ici, notre sirop, c'est la soude. Bon, on vient de voir les techniques de fabrication de ces deux espèces. Déjà, au niveau de production, on sait que l'eau de Javel elle sera plus polluante et que le coût de production il sera aussi plus important. On peut alors dire que l'eau de Javel, elle a un point et le vinaigre un point aussi. Pour départager ces deux produits, regardons au niveau santé et environnement. L'eau de Javel est un produit très nocif, toxique, dangereux et même corrosif. À titre d'information, c'est pour cela qu'on n'utilise pas de l'eau de Javel dans les éviers en inox. Alors que le vinaigre, c'est un produit qui respecte l'environnement, biodégradable et sans danger pour l'homme. On peut voir alors que le vinaigre, il remporte la battle. Et surtout que sur le point de vue économique et environnemental, le vinaigre, c'est un produit plus intéressant pour effectuer les mêmes tâches que l'eau de Javel. Cependant, pour vraiment bien laver votre maison, n'hésitez pas à utiliser une fois par mois l'eau de Javel pour éliminer toutes les bactéries. Merci Léa pour ta rubrique. On sera peut-être un petit peu plus à même maintenant de savoir comment nettoyer notre maison et de choisir un petit peu de manière peut-être un petit peu plus écologique les produits qu'on utilise. Donc maintenant c'est Thomas qui va nous parler de la production du paracétamol, je crois. C'est ça. Bon, vous le savez tous, l'automne est là. Et comme disait ma grand-mère, faut bien penser à se couvrir, sinon paf, on attrape froid, puis on est obligé de se soigner pour combattre la fièvre. Bon, du coup, quand elle disait ça, bah, je l'écoutais, parce que j'étais un bon petit-fils. Et généralement, je prenais du paracétamol, mais sans trop savoir pourquoi. Maintenant que je suis plus grand, je me demande, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? D'abord, le paracétamol, c'est le composé de nombreux médicaments. Vous pouvez m'en citer quelques-uns ? Oui, le doliprane, ouais. Je crois. L'efferalgan. Aussi. Le dafalgan, ouais. Peut-être ? Ouais, exactement. Okay. Donc les trois là, doliprane, efferalgan et dafalgan, sont les trois médicaments les plus vendus en France chaque année, qui contiennent donc du paracétamol. Ils ont donc pour effet de calmer la fièvre et les faibles douleurs, maux de tête, rage de dents. C'est donc mieux d'éviter d'en prendre après de gros accidents, ça n'aurait aucun effet sur vous. D'un point de vue chimique, il s'agit de la réaction entre le para-aminophénol, qui est un dérivé d'alcool, et l'acide acétique. Comme Léa l'a expliqué juste avant, bah c'est ce qui compose majoritairement le vinaigre. Juste en mélangeant les deux pendant suffisamment longtemps, on arrive à obtenir directement le paracétamol. Et ça, c'est ce qui est réalisé en laboratoire. Après, c'est bien beau tout ça, mais entre faire 2-3 grammes dans un petit labo et fabriquer plusieurs centaines de tonnes pour le monde entier, bah ça fait un sacré écart. C'est à ce moment-là qu'on fait appel au génie des procédés, qui concrètement doit faire passer une production de l'échelle du laboratoire à une échelle plus industrielle. Donc si on se passe dans les usines de fabrication du paracétamol, on va installer les réactifs, c'est-à-dire les produits qui servent à la réaction, dans deux cruves séparées que l'on va ensuite agiter puis déverser ensemble dans une plus grosse, qui a une contenance généralement de plusieurs centaines de litres. Au bout d'un certain temps, on obtient une poudre qu'on appelle principe actif, c'est celle-là qui va donner son efficacité au médicament, donc en l'occurrence ici, le paracétamol. On va réaliser différents tests dessus, généralement de résistance et d'efficacité. Puis ce produit va être envoyé dans différents laboratoires pharmaceutiques pour fabriquer le doliprane, l'efferalgan, le dafalgan, suivant les différentes marques. Et chaque compagnie va faire sa propre mixture avec ce qu'on nomme les excipients. Les excipients, c'est tout ce qui va donner de la substance autour du médicament. Donc généralement des conservateurs pour que ça tienne plus longtemps dans les placards, des arômes pour que ça ait un meilleur goût, et souvent du sucre aussi pour que ça passe plus facilement dans le corps. Bref, de quoi faire le vrai médicament. Ensuite, je ne sais pas si vous savez, mais la majorité de la production du paracétamol ne se fait pas en France. Est-ce que vous savez où ? Moi, j'aurais dit en Chine, personnellement. En Asie, ouais. Ouais, les États-Unis, peut-être. Ouais, c'est ça. On en trouve principalement la majorité de la production en Chine, aux États-Unis et en Inde, qui sont les trois pays les plus gros en termes de fabrication de paracétamol. On est forcément obligé de séparer la production pour des raisons économiques. Mais heureusement, on peut dire heureusement, grâce à la Covid, la France doit relocaliser toute la production sur le territoire d'ici 2023, donc cocorico la France. C'est grâce à des entreprises comme Sequence que cela pourrait être possible. Enfin, pour finir, dites-vous que le meilleur moyen de ne pas consommer du paracétamol, c'est de ne pas tomber malade, donc couvrez-vous bien. Il fait un peu froid dehors, les enfants. Merci Thomas pour ton conseil, en espérant que voilà, on tombe un petit peu moins malade cet hiver, parce que c'est vrai que c'est pénible, et merci pour ta chronique très intéressante. Donc voilà. Donc une petite pause, on se retrouve juste après, et on vous laisse avec Fever de Dua Lipa. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps en temps tes bras. Oh, Et vous êtes de retour sur Radio Fadjet dans l'émission Mission Impossible. Donc si vous venez tout juste d'arriver, Léa nous a parlé de l'eau de Javel et Thomas de la production de paracétamol. Si vous avez raté ces deux chroniques, ce n'est pas grave, sachez que vous pouvez la retrouver sur tous nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et maintenant, David va nous parler des arcs-en-ciel. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un phénomène naturel qu'on a déjà tous pu admirer et qui sont les arcs-en-ciel. Quand il pleut et que le soleil est sorti pas trop loin de là, on lève tous la tête pour chercher l'arc-en-ciel. Ou alors du moins, moi je cherche. Mais je parie que l'origine de leur formation reste un tout petit peu floue pour un grand nombre d'entre vous. Alors quand il pleut, il y a plein de petites gouttes d'eau qui sont en suspension dans l'air, et la lumière blanche émise par le soleil arrive avec un certain angle sur ces gouttes en fonction de la position de l'astre. Une lumière blanche étant une lumière constituée du mélange de toutes les couleurs, allant du rouge au violet. Lorsque les rayons passent de l'air à l'eau, ils changent de ce qu'on appelle un milieu, et on pourra donc observer une réfraction, c'est-à-dire un changement de direction. En fait, c'est quelque chose que vous connaissez tous. C'est le même phénomène qui nous fait croire que si on met un crayon dans un verre d'eau, celui-ci sera brisé en deux morceaux. Mais David, ça n'a aucun sens, personne met un crayon dans un verre d'eau. Ok, d'accord, j'ai compris. Imaginez que vous êtes à la plage, il y a un banc de poissons qui arrive vers vous, vous vous dites que ce serait drôle d'en choper un, et vous foncez pour l'attraper. Bah vous allez bien vous planter. Premièrement, parce qu'il est rapide, il est pas bête. Et deuxièmement, parce qu'il n'est pas où vous croyez, la réfraction rentre en jeu. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Et ouais. Après cette fameuse réfraction, le petit rayon subira une réflexion. C'est comme la réfraction qu'on vient de voir, sauf que le rayon, il reste dans le même milieu. Puis il sera finalement réfracté une dernière fois en sortant de la goutte. Il subira donc trois changements de direction. Maintenant, la valeur des angles selon laquelle les rayons sont déviés dépend de ce qu'on appelle en physique la longueur d'onde des constituants de la lumière blanche. Pour comprendre ce qu'est une longueur d'onde, imaginons le rayon comme une corde. Si je secoue cette corde, on va pouvoir observer des petites vagues. Et notre longueur d'onde, c'est simplement la distance entre deux pics de deux de ces vagues. C'est donc quelque chose qui est propre à chaque onde, parce qu'elles vont pas faire toutes des vagues à la même vitesse. Donc en fait, chaque couleur constitutive de notre lumière blanche ne sera pas déviée avec le même angle. C'est ce qui s'appelle la dispersion, car les couleurs ne sont plus mélangées, mais elles sont séparées, et ça forme plus du blanc. Chaque goutte de pluie renvoie donc toutes les couleurs séparément et dans un ordre précis. Et si on se place entre le soleil et la pluie, le soleil dans notre dos, on pourra voir notre arc-en-ciel. Merci pour ta chronique, David, sur un sujet peut-être un peu plus léger, un petit peu plus sympathique et un petit peu plus gai que les deux précédents et qui était aussi très intéressant. Là, on se retrouve juste après la musique Over the Rainbow de Robin Schulz pour un petit jeu fort sympathique sur diverses anecdotes scientifiques. What a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. You find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you did to, oh, why can't I? Vous êtes de retour sur Fadjet dans l'émission Mission Impossible. Et si vous venez d'arriver, je vous rappelle que les trois chroniques qui ont été faites ce jour par Léa, David et Thomas peuvent être retrouvées sur nos différents réseaux sociaux. Donc pour clore cette émission, on a un petit jeu avec diverses anecdotes scientifiques. Et c'est David qui va commencer. Oui, figurez-vous que j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé des petites anecdotes marrantes. Alors je vais poser des questions, vous allez me dire laquelle est vraie et lesquelles sont fausses. Premièrement, il n'y a pas si longtemps, personne ne voyait le bleu. Il n'y a pas si longtemps, personne ne distinguait les goûts amers et acides. Et il n'y a pas si longtemps, les taupes avaient une meilleure vue. À votre avis? Il y a forcément une bonne réponse ou peut y en avoir plusieurs? Non, il n'y en a forcément qu'une. Ok. Moi j'aurais dit les goûts amers et acides, mais sans savoir pourquoi. C'est quoi le dernier truc avec les taupes? Les taupes avaient une meilleure vue. Après je ne suis pas une taupe, donc je ne peux pas trop savoir. Mais amers et acides, ça me paraît bizarre parce qu'on voit bien on ressent bien la différence quand on mange. Un produit amer. Ouais, mais moi, les deux autres histoires, ça me dit absolument rien. J'ai jamais entendu parler comme quoi le bleu posait problème. Oui, mais daltonien, il le voit toujours pas, dans ce cas-là. Ouais. Ah, ouais. Il n'y a pas si longtemps, c'est à l'échelle de la Terre, la création, tout ça. Ok, tout ça, hein. Ah. Okay. Ah, ok. Ça date pas d'il y a 10 ans. Ok. D'accord. Moi, j'opterais quand même pour la première. Du coup, pour le bleu. Pour le bleu. Moi, je dirais. Moi, je pars sur les goûts. Ouais, moi, je dirais les goûts aussi. Eh bien, figurez-vous que c'est Léa qui a raison. Let's go. Pas si longtemps, personne ne voyait le bleu. En fait, j'ai recherché un petit peu et dans l'Iliade et l'Odyssée, qu'Homère a écrit, figurez-vous qu'il n'y a nulle part une mention de bleu. Et la mer est décrite comme couleur vin, donc rouge. Ah oui, effectivement. Donc le bleu est apparu plus tard dans la vision. Ok. Moi, j'ai aussi une petite anecdote, mais c'est pour revenir par rapport à la chronique sous le Doliprane et la fièvre. Est-ce que vous savez quelle est la plus haute température corporelle qui a été enregistrée sur une personne qui était encore vivante? Est-ce que votre avis c'est 45 degrés? Est-ce que c'est 47 ou 49 degrés? Vache. Déjà c'est compliqué parce que les trois valeurs elles sont toutes proches les unes des autres. C'est ça. Alors je rappelle qu'on considère qu'on a de la fièvre au-delà de 37,8-38 degrés et qu'il y a un risque mortel au-delà de 42. Très bien. Mais ça veut dire que là la personne elle avait cette température là, elle était encore vivante. Elle était encore vivante. Et elle en est morte? Non. Elle n'a d'ailleurs eu aucune séquelle, elle a juste passé 24 jours dans le coma à l'hôpital. Juste, ouais. C'est hyper dur parce que. 49, ça me paraît énorme quand même. On dirait température au Sahara si... ou autre. Même si quelqu'un te dit 45, je pense que t'es pas bien à 45. Ouais, 45 Ouais, juste au milieu 47, moi je dirais. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que t'as essayé de nous piéger. Moi je dirais 45. T'as mis un au-dessus, un en dessous. Eh ben non, c'est David et Léa qui ont encore raison. C'est bien 47 degrés. Précisément 46,9, donc oui. C'était un habitant des États-Unis, parce que pendant les années 80, il y a une grosse canicule aux États-Unis. Et vu qu'il avait déjà quelques soucis de santé, sa température est montée jusqu'à 46,9 degrés. Il a forcément dû être hospitalisé. Il est même tombé dans le coma pendant 24 jours. Et il a eu de la chance, il est ressorti sans aucune séquelle de ça. C'est incroyable. C'est énorme, 47 ouais. degrés, je trouve. Alors, j'ai une autre proposition à vous faire. Ça n'a rien à voir avec la fièvre, mais c'est plutôt marrant, celle-là. Alors, les escargots ont 140 dents. Les escargots ont 1400 dents ou les escargots ont 14 000 dents? Alors, donc déjà, ça veut dire que les escargots, ils ont des dents? Ça veut dire que les escargots ont des dents. Mais elles doivent être donc si petites, genre. D'accord, donc déjà, ça a une bouche, un escargot. Bah, faut bien que ça mange. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, faut que ça mange. Oui, mais oui, oui. C'est quoi les chiffres? 140, 1400 ou 14 000? C'est ça. 14 000, c'est énorme. Moi, je dirais 14 000. Moi, je prends 1400, prenons le juste milieu. Moi, je dirais 14 000. Et toi, Léa? Attendez, vous mettez la pression. Mais en fait, là. Moi, je me dis, on pensait qu'ils avaient pas dedans, du coup, je joue le tout pour le tout. Mais je me dis qu'un escargot, c'est petit. Ouais, même oui. 140 dents dans un truc petit, c'est quand même déjà beaucoup, tu vois. Ouais, je dirais 140. Oh, il y a trois réponses. Trois réponses, qui a juste? Eh bien, c'est Thibaut. Let's qui a go la bonne réponse. Ah, 14 000, c'est énorme. Non, Thomas, je n'ai pas fait celui du milieu. C'est 14 000 dents. En fait, c'est pas vraiment considéré comme des dents, mais c'est des petits trucs pointus qu'ils ont sur la langue. Et du coup, on peut appeler ça des dents, mais c'est très controversé. Ah, ouais, et les escargots de Bourgogne en ont 20 000. D'accord. Pourquoi juste ceux de Bourgogne? Il n'y a pas de raison. Ils sont peut-être plus gros, je ne sais pas. C'est possible. Moi, j'ai une dernière petite chose, avant de laisser la main à Léa. C'est une petite anecdote sur un scientifique que vous connaissez peut-être toutes et tous, qui s'appelle Isaac Newton. Ouais. Dans sa vie, il a fait beaucoup de travaux, notamment sur les arcs-en-ciel. Mais il a également inventé une chose que beaucoup de gens utilisent au quotidien. À très vite, qu'est-ce que c'est? Il a inventé le premier frigo. Il a inventé la porte avec une chatière, c'est-à-dire pour laisser passer les animaux. Il a inventé la première machine à écrire, qui a été l'ancêtre du coup après les ordinateurs. Ou il a inventé tout simplement les lunettes qui peuvent tenir autour du cou. Il a inventé. C'était quoi la première? Le frigo? Le frigo, ouais. La porte avec une chatière, la première machine à écrire, ou les lunettes qui peuvent se porter avec une chaîne autour du cou. Bonjour, j'ai des lunettes. Mais déjà, le frigo, je suis quasi sûr que c'est peu. Enfin, c'est pas. C'est trop tôt pour. Ouais, c'est trop tôt, ouais, mais c'est ça. Après, la chatière. Après, la porte avec une chatière, je me dis, t'es trop intelligent pour faire ça, tu vois. Enfin, c'est un trou dans une porte. C'est pas à son niveau. Respect à celui qui a inventé ça. Mais... Ouais, mais bon, ouais. Mais là, je me dis qu'il aurait eu plus d'utilité pour les lunettes. Moi, j'hésite entre la machine à écrire. Mais la machine à écrire ou les lunettes, moi, je dirais. Mais... Ouais, moi aussi, c'est ce. Parce qu'il a pas voulu nous piéger, tu vois. Oh, c'est pas mon genre. Moi, je dirais la machine à écrire. Comme ça, je suis pas d'accord avec Léa. Moi, je dis les lunettes. Et là, du coup, tu restes sur les lunettes. Ah, moi, je reste sur les lunettes. Eh bien, vous avez toutes et tous faux. Oh. Les lunettes avec des chaînes ont été inventées bien avant, à peu près, au moment de la Renaissance, donc vers le XVIe siècle, donc bien avant Newton. Oh. La machine à écrire a été inventée bien après sa mort. Mais il a donc inventé la porte avec une chatière, parce qu'il avait effectivement plusieurs chats chez lui. Et lorsqu'il faisait travaux sur la lumière, et notamment sur les arcs-en-ciel, il avait besoin d'obscurité, forcément. Et donc, il en avait marre de laisser passer son chat à chaque fois à ouvrir et fermer la porte. Il a donc fait un trou avec juste quelques verrous, pour que son chat puisse faire des allées et venues tranquillement. Je suis sûr que t'as inventé la réponse pour qu'on ait tous faux, là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Tu pourras vérifier si tu veux. Et le frigo? Le frigo a été inventé, bien sûr, bien d'après. Oui, bah, après. 19e siècle, si mes souvenirs sont bons. Ok, il me semblait que Léa, t'avais une petite anecdote à nous raconter aussi. Oui, bah moi, c'est juste pour introduire le fait que dimanche, c'est Halloween. Effectivement. Et alors du coup, je voulais savoir, les garçons, est-ce que vous savez d'où provient l'idée du costume d'Halloween? Donc déjà, son objectif premier. Faire peur aux gens, sûrement. Bah, j'espère. Enfin, c'est la fête trick or treat, quoi. Mais après, il y a peut-être une truc encore plus ancienne, je sais pas trop, mais... Eh bien oui, donc il y a bien une histoire qui est plus ancienne. En fait, de base, les villageois, ils se déguisaient dans l'espoir d'échapper à l'attention des esprits. C'est pas du tout comme maintenant, où on se déguise mais parce que c'est une fête commerciale et tout le reste. C'est que là, c'était vraiment parce qu'ils voulaient faire échapper tous les esprits qui étaient présents, et surtout, c'était quand même quelque chose de culturel, que les esprits, ils erraient dans les villes. Donc c'est pour ça qu'ils mettaient des costumes le jour d'Halloween. D'accord. Donc aucun rapport avec ce qu'il y a aujourd'hui. Ok. Eh ben moi personnellement je savais pas du tout. Eh ben en parlant d'Halloween, faites bien les fous à acheter autant de bonbons que vous voulez, mais n'en mangez pas trop, c'est quand même à un certain stade mauvais pour la santé. Effectivement. Et on terminera sur le mot de la raison dit par Thomas. Donc je vous remercie pour votre écoute. Évidemment vous pouvez retrouver nos différentes chroniques sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, et vous pouvez nous écouter également en podcast. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.